Ok, le temps passe et rien ne l'arrête. On sent ce mal de vivre au-dessus de nos têtes. On essaie, on bat le rythme, au final on se répète. On a beau se maintenir à la surface, on finira tous engloutis par ce qui nous dépasse avec une touche d'ironie. Avant qu'on ne trépasse, que les mémoires s'effacent sur des sujets qui fâchent. La peur de finir seul et sans équipage, personne pour l'héritage. Sur ces irritables, on rêve de laisser sa marque, mais dur de réserver sa barque. À moins d'avoir du sang de monarque ou d'avoir beaucoup de monnaie, tu vis un cauchemar réveillé, donc le peuple place pour les rêves, ça tu connais. Pas besoin de promettre quand tu te noies dans les problèmes, que tu vois ton reflet dans le fond de ta haine. Petit visage pâle, tu souhaiterais rallumer ce feu au napalm, mais sache que le destin ne partagera jamais à part égale. Le temps passe, rien ne l'arrête. Plus de place pour tes rêves, tu finiras seul maître de ton cauchemar. Si tu laisses filer ta chance, tu n'as plus le temps de vider ta chambre. Vider ta chambre. Le temps passe, rien ne l'arrête. Plus de place pour tes rêves, tu finiras seul maître de ton cauchemar. Devant ses rapaces, prêt à te briser la jambe ou à te priver d'argent. Le temps passe. Le temps passe et le problème c'est qu'il n'attend pas. Les jours défilent, tu sens la fin du film sans avoir tenté l'ultime attentat. Difficile de la choper, la chance cavale à grands pas. Et on s'en rend pas compte que ceux qui connaissent l'astuce viennent me la cracher, je suis pas contre. J'écoute plus le tout puissant car je crois bien qu'il se la raconte. On nous la met à l'envers, nous traîne dans la boue. Les aveugles parlent avec un haut taux de merde dans la bouche. L'œil de Sauron se marre à nous voir noyer dans notre propre pouce. À attendre le coup de pouce, mais c'est chrono en main qu'ils attendent nos coups de blues. Le temps passe et les rides apparaissent, des halos et la rive disparaît. Tu t'éloignes sans cesse, sans prendre conscience de ce qui t'arrive. Le sablier du temps se vide en même temps que tes rêves se tarissent à une vitesse grand V. Le temps passe, rien ne l'arrête. Plus de place pour tes rêves, tu finiras seul maître de ton cauchemar. Si tu laisses filer ta chance, tu n'as plus le temps de vider ta chambre. Vider ta chambre. Le temps passe, rien ne l'arrête. Plus de place pour tes rêves, tu finiras seul maître de ton cauchemar. Devant ses rapaces, prêt à te briser la jambe ou à te priver d'argent. Le temps passe. J'suis pas du genre à te dire c'est la fête, comme j'suis pas du genre à dire baisse la tête. Laisse ceux qui se la pètent, mets les boules caisses face aux joueurs de trompette. Y'a jamais eu de schtroum chouette, mais v'là les chétanes habillés en schtroumfette. Pour te retarder, pour te regarder t'écrouler, c'est ce qu'ils souhaitent. J'ai plus beaucoup de temps mec, j'vais être honnête. Coupe le fil, cesse d'être leur marionnette. De te faire guider comme une girouette, à faire des pirouettes pour des cacahuètes. Et finalement tu perds ton temps, tu perds ton plan. Lève la tête, tu m'as l'air perdu, la perte de temps. Te perfuse, tu t'endors et lentement on perd de vue. On te marche dessus, ton reflet est déçu. Ta confiance est déchue, l'ignorance est la patte du pêcheur. Le temps passe et rien ne l'arrête. Donc utilise-le à bon escient sans attendre la fin de ton heure mec. Le temps passe et rien ne l'arrête. Plus de place pour tes rêves, tu finiras seul maître de ton cauchemar. Si tu laisses filer ta chance, tu n'as plus le temps de vider ta chambre. Vider ta chambre. Le temps passe, rien ne l'arrête. Plus de place pour tes rêves, tu finiras seul maître de ton cauchemar. Devant ses rapaces, prêt à te briser la jambe ou à te priver d'argent. Le temps passe. Le temps qui passe, c'est tout ce que je peux sentir. C'est vraiment accablant. J'ai gaspillé tellement de choses. J'ai engouffré la vie d'un coup, sans prendre le temps d'y goûter. Dans ce cas, recommence. Tu crois que ça se fait ?